Une sale affaire. Qu'est-ce qu'on foutait là ? Inspecteur Franklin, responsable en charge d'une très sale affaire. Ah, au fait, je suis dans la catégorie personnel handicapé. Je suis atteint d'une anégésie de la main gauche, ce qui n'est franchement pas pratique, notamment pour tenir sa fourchette ou son couteau. Ce qui, dans le cas présent, me permettrait de savourer pleinement les oreilles humaines en sauce samouraï présente dans mon assiette. À l'école de police, c'était une toute autre mélodie. Mes amis m'appelaient Flappy. Ah, une très sale affaire, mes amis. Alors déjà non, je suis allergique et les oreilles d'humain ne font pas partie du répertoire gastronomique que ma mère eut l'honneur et le privilège, messieurs, de me faire découvrir dans les plus tendres moments de mon enfance. Ça c'est mon adjoint, Pam. Plus d'avoir un nom tout droit sorti d'un mauvais scénario de film d'horreur, il était vraiment allergique aux oreilles. Oh ouais, vas-y. T'es compliqué, t'as plus de place pour tes oreilles. Mais si ça rentre pas par la bouffe, ça rentrera par le côté. Ça y est, arrête tout de suite, je sens déjà mes écoulements nasaux et mon explosion cutanée se propager. Ouais, Pam et moi étions ici, dans cette ferme, en plein milieu du bayou, attachés à des chaises et forcés de pratiquer le cannibalisme par cette foutue famille qu'était les Adams. Dernière fois que j'accepte les affaires de disparition dans le bayou. Mon cher Pam, je te sens bien fébrile. Ouais, probablement parce que c'est vous qui conduisez. N'as-tu pas confiance en ton incroyablement compétent inspecteur ? Aucunement. Ni en lui, ni en la Flappy qui lui sert de main. Tu es si cruel, Pam. Rire ainsi du destin d'un pauvre homme dont la déficience physique va à l'encontre de son professionnalisme et de son plein potentiel. Aussi difficile que cela puisse vous être, vous allez poser cette main sur le volant. Tu m'agaces, adjoint de mes deux testis. Pam, heureusement nous voilà arrivés. Il est temps de mener l'enquête. Ah, mon cher Pam. Tu sens l'air pur de la campagne ? Ouais. La déjection d'alligator aussi. Ah, le bayou. Rappelez-moi juste les faits de l'enquête. 20 disparitions, ni plus ni moins, mon cher Pam. Et tout indique qu'il serait passé par ici, aux alentours de cette tristement connue ferme de la famille Adams. Pourquoi tristement connue ? La famille aurait disparu dans des conditions pour le moins étranges il y a 3 ans. Enquête-t-on aussi pour eux ? Non ! Royalement, nous n'avons rien à battre. Les bouseux, c'est pour la maréchaussée. Non mais juste, concrètement, sur quoi on se repose ? Comment ? Non mais les disparitions, concrètement, si personne ne vit ici depuis 3 ans, en plein milieu du bayou louisianien, comment peut-on savoir qu'ils ont disparu par ici ? Bam ! Je ne sais pas si tu as remarqué le parking rempli de bagnoles à notre arrivée. Ouais, c'est QFD. Le scénariste aurait dû y penser. Mon cher Pam, allons-y. Vous suis. Non. Allons-y, toi d'abord. Oui, c'est injuste. Et c'est moi le patron. Oh putain ! Je pense que ce portail aurait bien besoin d'un peu d'huile, adjoint. Quand nous reviendrons, il serait pertinent d'y penser. Mais justement, vous n'y pensez pas. Il est de l'ordre de notre profession de servir le contribuable, Pam. Rappelle-t'en. Juste, c'est grotesque ! Mais putain, enlevez votre main de ma bouche ! Mais non, mais c'est dégueulasse ! En plus, c'est pas la bonne ! Tu te calmes. Calme-toi. La situation est sous contrôle. Je maîtrise mes segments. Passe devant, Pam, et tire la bobinette, que la chevillette choie. Ma mère avait pourtant tant raison. Sur ton erreur carriérale ? Non, sur la vôtre. Cher portier, bonjour ! Marie-Chaussée ? Non, la police, cher concitoyen. Oui, nous sommes là pour vous aider, populace américaine. D'ailleurs, votre portail a besoin d'un coup d'huile. Tu apprends vite, petit. Je suis fier de toi. Merci, connard. America ! We're best on the gun, Lena Boy. America ! Calmez-vous, portier ! Et conduisez-nous au seigneur de ce fief, je vous prie. Bien sûr, mais c'est pourquoi ? Nous sommes juste en face, il est donc inutile de crier ! Oui, c'est exact. Veuillez me suivre ! Quelle étrange place, mon brave adjoint. Il est curieux que nous n'ayons eu d'écho de ce lieu fantasque. Inspecteur, vous n'avez pas dit juste à l'instant que ce lieu est censé être désert et abandonné depuis 3 ans ? Ce qui se passe chez les pouilleux. Reste chez les pouilleux. Ouais, mais c'est juste que... Non, je vous vois venir garder votre main dans votre poche. Ne la mettez pas sur ma cavité buccale. Oh non, America. Putain ! C'est ici, monsieur. Merci bien, mon brave. Malheureusement, nous n'avons guère peine à vous donner pour la visite. Mais ce soir, nous lèverons nos verres à... votre difformité faciale. Oh ! Moi aussi, j'ai un pays. Allez-vous-en, mon cher, nous maîtrisons la situation. Oui. Quel salon singulier, Pam. Ouais. Juste, quand vous dites singulier, vous voulez parler des planches cloutées sur les fenêtres, des serpents, corbeaux bicéphales et scorpions scotchés sur les portes ou du barbelé sur ce splendide abat-jour ? Diantre ! Pam, je crois que nous sommes tombés dans un guet-apens. It's a trap ? It's a fucking trap. America ! Posez immédiatement cette pelle rouleau cloutée à canon scié, monsieur. Mon adjoint et moi-même n'hésiterons pas à faire feu. Coucou les apéricules. On vient pour le repas. Comme c'est gentil d'avoir pensé à nous. Bam ! Retire la sécurité de ton flingue. Ce belligérant semble doté de mauvaises intentions. Inspecteur, je dois vous faire un aveu. Je n'ai jamais passé l'examen de tir à l'école de police. Cette arme est une réplique. Comment peux-tu être mon adjoint dans ce cas ? America ! Mais oui ! Je serai donc le seul à tenir en respect la menace. Monsieur Olema ! Vous attraperez les balles de mon pistolet avec votre bouche. Qu'est-ce que tu fabriques, mon cornichon ? Tu crois me faire peur ? Ne bougez pas, sinon j'oxy ! Ah ouais ! Maintenant que ton flingue est sur mon front, vas-y, tire ! Et on verra bien ce qui va se passer. Vous l'aurez voulu. Oh non ! Je tenais mon arme avec ma main agénisée ! Nous sommes faits. Les résidents. Evil Pouilleux. Épisode 1. La famille Adams. La nouvelle saga de Sekio et Destrocorn.